Nazali sewayo Fatuma o gogo Bolingo tokuta na se ogo yabato Jambe a salamo kili be akeli bato yeme a tia bolingo na se o ala Potolinga na maho yeye Potolinga na mobe koma jambe o iye Fatuma o banja kanga o Fatuma o tuna kanga ye Tuna sango ya selie Loto konga go Lote longe ya papa Fatuma o banja kanga o Fatuma o tuna kanga ye Tuna sango ya selie Loto konga go Lote longe ya papa Il était temps, mais ce jour-là, tu pleurais dans mon cœur, comme je pleuvais sur la terre, je t'aime. N'avais-tu souci à Bolingo, elle est à Kangaroo, oh ma belle, ça m'a monté, ma belle, à Bolingo, n'avais-tu souci à Bolingo, elle est à Kangaroo, oh ma belle, ça m'a monté, ma belle, à Bolingo, yo, à Bolingo, Fatoué, Fatouma, yo. Animación.